notre Père qui es aux cieux. Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui le pain d'aujourd'hui, et demain le pain de demain. Pardonne nos péchés, car nous avons péché. Sainte Marie, Mère de Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive aussi, et toi aussi donne-nous le pain d'aujourd'hui, aujourd'hui, et le pain de demain, demain. Ils ont des chapeaux, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux, vive les Bretons. Poil au con, mon savon. Nous sommes rassemblés ici ce soir pour célébrer notre Seigneur Jésus, qui nous a donné notre pain d'aujourd'hui, aujourd'hui, et notre pain de demain, demain. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne, ils ont des chaperons, vive les Bretons. Le Jésus nous a punis, il nous a donné aujourd'hui le larcène d'aujourd'hui, et nous donnera demain le larcène de demain. Le Seigneur est bon, le Seigneur est juste.